Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis un peu stressé. J'ai pas l'habitude de faire ça, de trop parler comme ça. D'habitude, je viens, je chante, vous dansez. Je vais vous expliquer comment je me suis pris la tête pour ce projet culinaire de la Jolie Royale. En fait, vous savez, quand on mélange un peu le 360 de la musique, on fait plein de choses sauf la musique. Et là, j'avais envie de revenir à la base. J'avais envie d'explorer de nouvelles sonorités. J'avais envie de partager. Quand je suis arrivé à ce concept-là, je me suis retrouvé face à un mur. Le nom. Parce que pour moi, c'est toujours le plus difficile de trouver un nom. Généralement, les noms, ils tombent comme ça. J'attends qu'il y ait une inspiration. Un jour, je me réveille, je fais un rêve, j'ai une illumination, j'ai un nom. Là, j'avais pas de rêve. Mais j'ai un frère qui s'appelle Gibbs. Et il m'a dit, pourquoi tu restes pas dans ton délire de miel et tout? Parce que t'as pas exploré encore au maximum cet aspect-là. Je vais t'apprendre un truc sur le miel. Est-ce que tu connais la gelée royale? La gelée royale, c'est le nectar, c'est la crème de la crème, c'est le miel qui coûte cher sa mère. Et il connaissait pas le concept. Et là, je me suis dit, ça colle. J'ai un concept en tête. Je veux rassembler la crème de la crème, je veux rassembler le nectar. Je vais l'appeler la gelée royale. C'est dans la suite logique. On garde le nom culinane pour l'aspect précieux et le nectar ultime. Le nectar ultime qui représente ma musique et toute la passion et l'énergie que je mets dedans. J'ai toujours voulu accompagner mes projets, ma musique, avec des concepts. Je sais pas si vous vous rappelez de Gentleman 2.0. Instagram venait de faire juste une mise à jour avec des vidéos qui duraient une minute. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire des sons d'une minute. Ah, ça me rajeunit pas. Quand j'avais fait ça, j'avais pas d'enfant. J'en ai trois aujourd'hui. Putain, ça date. Avec cet esprit-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais faire des hits et des sons et je partageais ma musique toutes les semaines, tous les dimanches à midi, je sortais un gérant live, je sortais une vidéo. Et la première vidéo d'ailleurs qui est sortie de ça, c'était Rennes. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Ensuite est venu le deuxième album, Poison ou Antidote, un double album. Un double album qui voulait dire une chose et son contraire. C'était l'amour c'est bien, trop d'amour c'est pas bon. L'argent c'est bien, trop d'argent c'est pas bon. Et c'était quelqu'un qui était un peu perturbé. C'était un peu ça le délire de cet album-là. Et donc je suis allé voir un psychologue. Bonjour, Monsieur Dadjou. En résonne? Non, je suis psychologue. Vous ressemblez beaucoup à Orelson. Non, Aurel il a pas de lunettes, moi j'ai des lunettes. Bon, ça va? Ça m'a pas beaucoup aidé parce qu'il est aussi fou que moi lui aussi. Est venu ensuite mon troisième album, Culinan, avec la sortie de mon premier film, Ima. Kinshasa, première date en Afrique. T'as le trac, hein? Non. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. Ima, je suis très fier de ce film. C'est mon tout premier film. C'est une idée qui est sortie comme ça et qu'on a réussi à amener jusque-là sur des écrans de cinéma qui est en streaming aujourd'hui. Et cet album, c'est l'album qui raconte ce film, en fait. Tous les titres ont un rapport avec une scène du film Ima. Il m'a un film qui m'a causé beaucoup de problèmes à la maison. Un album, c'est toute une histoire, c'est un livre pour moi. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui aime les histoires. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je dirais, avec cette nouvelle génération. J'ai l'impression que les albums sont plus écoutés pareil. Et il y a toujours cette frustration de se dire, en fait, j'ai fait un album de 15 titres, 16 titres, mais il y en a 4 qui sont écoutés en boucle, le reste, ça les écoute pas, il y en a 11 qui sont là. Et donc là, je me suis dit, je vais vous proposer d'écouter ma musique sur des formats très courts. C'est le moment de vous dévoiler la première partie. J'aimerais tout réparer, pouvoir effacer mes erreurs. Je peux pas régler le problème si tu me parles qu'une fois sur deux. Des fois, je suis mimi, des fois, je suis mauvais, des fois, je suis high. Des fois, je suis loin. C'était la dernière fois qu'on se parle, qu'à soit d'ici. Prends-le comme le temps va passer. Toujours compliqué quand c'est l'ego qui se barre. Un imbécile, je regrette jusqu'à 6 du sport. Mais je viens toujours de la vie d'un. Merci, j'espère que ça vous a plu. Vous avez reconnu l'air, quoi. Zazie, exactement. J'espère qu'elle va pas nous coller un procès au cul. Donc la gelée royale, c'est plusieurs parties. C'est un voyage musical avec plusieurs styles de musique. C'est aussi des expériences. La musique m'a fait découvrir certaines choses et cette expérience, j'ai envie de la partager. J'ai envie de la partager avec vous, j'ai envie de la partager avec mon public, j'ai envie de la partager avec les artistes. Vous croyez que c'est fini? Je vais vous parler de la deuxième partie.